Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, La marche des banlieues et après, une série documentaire de Sébastien Descaraïdes, réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a des histoires qui s'oublient plus que d'autres, des récits qu'on efface, des espoirs déçus, des illusions perdues, des trahisons et de la colère. Il y a surtout ces listes interminables de crimes racistes des années 80 et des jeunes gens qui ne voulaient pas que tout soit écrit à l'avance et voulaient être entendus, considérés et vivre à la même enseigne. Alors il y a eu cette idée de traverser la France tous ensemble, à pied, pour enfin faire corps pour de vrai. Mais il y a aussi le sillon colonial, des campagnes électorales sans vergogne et des énergies qui s'épuisent. Et puis, il y a le vide de l'après. Alors pour commencer, les personnages. Un marcheur qui ne voulait pas rentrer, des jeunes Français maghrébins, une militante vue comme une traîtresse, de futurs électeurs, des marcheurs rattrapés par le réel, une militante marseillaise, des veuves, des éducateurs, des associatifs entravés et des élus mal perçus. Ensuite, le décor. L'antiracisme, comme un slogan, des mobilettes, l'amertume, un concert inoubliable, la récupération, SOS racisme, des kéfiers, des trahisons, des leçons de morale, Dreux, le Front National, la crise, l'assassinat de Malik Oussekine, le quartier des Flamands, la Busserine, l'éducation populaire et des plafonds de verre. Aujourd'hui, troisième épisode, on écoute les archives à remonter le temps. On a gagné une partie. Une grande partie même, je dirais. La population. On est dans la bonne voie, de toute façon. On a vécu ensemble, les marcheurs, la trentaine de marcheurs permanents, une aventure exceptionnelle. Faut marcher encore. J'ai pas peur d'employer ces mots, c'est assez historique. Il y aura des moments de tension entre certains à certains moments, mais de manière globale, ça a vraiment été un très beau moment. Un très beau moment. Et puis voilà que on arrive à Paris, que l'on est acclamé comme des héros. Et puis, le lendemain, il n'y a plus rien. C'est l'anonymat, c'est plus personne pour vous accueillir. Vous prenez le train, vous prenez le TGV pour les Lyonnais, et vous rentrez dans votre quartier. Et là, dans votre quartier, je parle des jeunes des Maguettes en particulier, on leur dit alors, qu'est-ce que ça vous a rapporté, ce que vous avez fait ? Moi, j'avais vite compris, à la fin de la marche, qu'il fallait pas que je retourne aux Minguettes. Je me voyais pas retourner aux Minguettes pour faire quoi ? Pour être chômeur et tenir les murs d'un immeuble de peur qu'il ne tombe. J'avais 19 ans. Je me suis construit à travers cette marche. La militance, je l'ai découvert. J'ai commencé à rentrer dans des associations. J'ai même fricoté avec un parti politique. Mais j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires qui m'ont aidé à reprendre des études. Et c'était difficile de reprendre des études. Voilà, donc je me suis vraiment construit comme ça. Et heureusement que je me suis construit comme ça, parce que peut-être j'aurais pu mal tourner. Peut-être que j'aurais pu vivre une grande partie de ma vie soit en prison, soit ailleurs. Après la victoire du 3 décembre 1983, portée par l'enthousiasme et l'espoir suscité par la marche pour l'égalité, les marcheurs et tous ceux qui les ont accueillis, comme Salika Amara, Youssef Boussa ou Kaïssa Titous, entreprennent d'agir ensemble. Dès lors, quel combat mener et comment les faire aboutir ? De retour dans leur quartier, les militants avaient un rêve. Qu'un jour, au sein de la République, les fils et les filles d'immigrés puissent prendre leur destin en main et s'émanciper collectivement pour atteindre l'égalité réelle entre Français de toutes origines. Mais les divergences au sein des mouvements antiracistes et les errements de la politique de la ville en auront décidé autrement. Le plafond de verre. Nous, on a été dépassés par notre succès. Salika Amara et Youssef Boussaha, membres du comité d'accueil parisien de la marche. On ne l'a pas du tout réalisé. Parce qu'on avait déjà fait des manifs, bon, on savait qu'il y aurait du monde, mais voilà. Et puis en plus, on avait un objectif, c'était de faire déplacer les gens, tout le monde, pour cette marche. Donc ça, notre objectif était atteint. Et on n'a pas envisagé en fait le futur. On rentre de la marche, on va au concert le soir et tout ça. on essaie de faire un peu le bilan et on n'y arrive pas très très bien. On va à Radio Beurre. Kaïssa Titus, membre du collectif Jeune, chargée d'accueillir la marche. Le lendemain, on déjeune au relais Ménilmontant avec les marcheurs, avec tous les marcheurs. D'ailleurs, je fais un appel parce qu'il y a eu un film qui a été tourné par quelqu'un qui s'appelle Ahmed K. Si jamais il se reconnaît, qu'il nous amène la cassette parce qu'on l'a perdue, on la retrouve plus. Et donc les marcheurs, à ce moment-là, avec les gens de province, on se disperse. C'est un moment d'ailleurs très triste pour nous. Voilà, on a fait quelque chose, il va falloir se séparer. Et déjà, dans le cadre de la marche, on avait fait dans le collectif Jeune un manifeste pour le collectif Jeune. Et dans ce manifeste, on prévoyait l'après. Et on parlait de créer un mouvement national autonome des jeunes issus de l'immigration. Au niveau du collectif parisien, fort de ce succès, on a décidé qu'on garderait le collectif et d'aller beaucoup plus loin, parce que c'était déjà dans notre esprit bien avant la marche, c'était de mettre en place un mouvement autonome. Et on a fait plusieurs assises pour le mettre en place. La question se pose, que faire ? Comment allons-nous continuer à faire vivre l'esprit de la marche et surtout à peser sur la politique française afin d'arracher des revendications, des droits, par exemple le droit de vote des immigrés, cesser la relégation sociale dans les HLM, faire cesser les crimes racistes et surtout faire en sorte qu'ils soient réellement punis et pris en compte par la justice. Il y a deux options qui s'ouvrent. Il y a des gens dont Farida Belroul avec Convergence 84, qui pensent qu'il faut créer un mouvement antiraciste généraliste avec les Portugais, les Espagnols, les Turcs, etc., etc. C'est-à-dire qu'on aurait tous les mêmes préoccupations et que donc il ne faut pas avoir une demande spécifique par rapport aux enfants d'ouvriers maghrébins. Et puis il y a ceux qui pensent que certes, il y a les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, etc. Mais que eux, ils ne subissent pas la même haine de la part d'une partie de la société française. Et que donc, il faut créer un mouvement national des jeunes issus de l'immigration avec des demandes propres à l'immigration maghrébine qui est enfant de la colonisation. Il y a près d'un an, ils avaient entrepris de marcher à pied sur Paris. Cette fois, ils prennent leur mobylette. Les jeunes arabes de la seconde génération, les Beurs, entendent une nouvelle fois manifester contre le racisme. Ils ont lancé aujourd'hui leur opération Convergence 84. Corinne Pertu. Journal télévisé, Antenne 2, 3 novembre 1984. Suite à la manifestation contre l'an dernier de la marche pour l'égalité contre le racisme, il y avait une pancarte sur laquelle était inscrit « La France est comme une mobylette ». Pour avancer, il lui faut du mélange. Après le succès de leur marche, les Beurs espèrent le soutien de tous ceux qui se battent contre le racisme et pour l'égalité de tous. L'intitulé de la marche a été très très vite déformé. Youssef Boussard. C'est devenu la marche des Beurs. Hein. C'était plus la marche pour l'égalité et contre le racisme. Ce qui a été une marginalisation de cet épisode dramatique et qui explique ce qu'on a vécu après. Hein. Beurre, en verlan, arabe, machin, enfin bon, c'est la marche des Beurres, Paris sur Beurre, Paris, Beurre sur Seine, voilà. Jamel Attala, ancien leader de la marche pour l'égalité. Tout ça, c'est un truc de journaliste, hein. Ça n'a pas été, jamais à aucun moment, les marcheurs avaient admis le mot beurre, jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'admettent pas, le mot beurre. Hein. Et puis, entre-temps, c'était déchiré. Kaïssa Titus. Hein, entre ceux qui voulaient un mouvement, ceux qui voulaient pas de mouvement, ceux qui voulaient créer leur association dans leur quartier, ceux qui étaient proches du Parti Socialiste et qui voulaient être subventionnés. Au final, ce mouvement n'arrive pas à se construire et n'arrive pas à exister de manière nationale. Et puis, on voit que c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a la mobilisation tarie. Donc je suis complètement dépitée, parce que moi je suis sur la position d'un mouvement national autonome des jeunes issus de l'immigration. On a un certain nombre de militants à en prendre plein la tête sur notre communautarisme, etc. C'est-à-dire qu'on est constamment obligé de se justifier. Et moi je m'en vais. je m'en vais parce qu'on n'a pas réussi à convaincre. Aux assises de juin de Lyon de 84, le collectif lyonnais veut pas d'un mouvement national, le collectif de Marseille n'en veut pas non plus, le collectif de Lille n'en veut pas. Chacun doit conserver sa spécificité, etc. Donc moi, je rentre à SOS parce que juste à peu près au moment du concert de la Concorde de 1985, parce que je sens que ce mouvement, il est capable de mobiliser les jeunes. C'est vraiment un grand mouvement antiraciste. Que certes, il y a des choses qui ne me conviennent pas complètement, mais qu'après tout, il faut essayer d'aller dedans et de s'y battre pour faire valoir ce pour quoi on s'est battu, c'est-à-dire la défense de l'intégrité des jeunes, les rapports police-justice, le logement, les discriminations, etc., etc. France Inter, 16 juin 1985. C'était Paris sur Beurre. Cette nuit, ils étaient 200, 300 et peut-être même 400 000 rassemblés autour de l'obélisque pour participer à la première grande fête antiraciste. Touche pas, mon pote. Ils sont venus par milliers, des Parisiens, des banlieusards, mais aussi des provinciaux venus en train ou en cars spéciaux de toutes les races et de toutes les cultures pour participer à cette fête de la Concorde. Écoutez ces spectateurs que Philippe Royer a rencontrés cette nuit. C'est cool, c'est sympa. Disons que c'est bien parce que tout le monde se réunit. Tous les gens qui font partie de mon pote, là, c'est sympa, c'est bien contre le racisme. C'est éblouissant, formidable, redoutable, c'est tout ce qu'on aime. Au total, une trentaine de groupes et d'artistes de tous les pays auront participé à ce gigantesque concert gratuit organisé par SOS Racisme. Maintenant, la fête est finie, elle s'est achevée aux alentours de 6 heures ce matin. Elle s'achève sur un succès incontestable pour les organisateurs de SOS Racisme et pour son jeune président Harlem Désir. On s'était déjà retrouvés à plusieurs occasions dans la rue après des crimes racistes, dans des circonstances plutôt tragiques. Et puis là, on a eu envie de montrer que pour nous, l'antiracisme n'est pas simplement sur la défensive, il a aussi quelque chose à dire à la société, c'est que on vit bien avec la diversité de notre pays. C'est pas innocent et c'était pas un hasard l'arrivée des SOS Racistes. Jamel Atala. Effectivement, à cette époque-là, il y avait véritablement une attente dans la société française. Il y avait vraiment une volonté d'action dans le cadre de l'antiracisme. La marche, elle a eu un succès énorme, elle a dégagé une énergie phénoménale, comme on n'a peut-être pas vécu pendant un certain nombre d'années dans ce pays. Donc les socialistes étaient au courant de cette opération de la marche, Mitterrand le premier. Je pense qu'il y a eu un deal de haut niveau, de manière à capter cette énergie, et ils ont entendu les moments opportuns. Et on n'a pas voulu associer les gens de la marche, parce que la marche n'a jamais été soutenue par des grands artistes, par les grands journalistes. Or, SOS Racisme a été soutenu par tout le monde, quasiment tout le monde, de gauche comme de droite. Et moi, personne des SOS Racisme est venu me voir pour me dire « Vous avez dégagé quelque chose d'important, on crée une structure, un instrument, vous devriez en faire partie. » Personne est venu me voir pour me le demander. D'autant plus que déjà dans les années 84-86, on avait demandé une grande réunion publique entre les militants de la marche et SOS Racisme, et ils ont refusé. On nous a simplement accordé une réunion privée dans un coin. Ça s'est passé dans une petite salle à la Sorbonne. J'y suis allé, il y avait Julien Drey, et je me souviendrai toute ma vie, j'avais encore à cette époque-là un keffiyeh palestinien, et en entrant, avant de discuter, il y en a un qui se lève et qui dit « Moi, je ne peux pas débattre avec les gens qui portent le torchon d'Arafat ». Et ça m'était destiné directement, parce que j'étais le seul à l'avoir. Donc déjà, à partir de là, c'était crispant, c'était difficile et c'était compliqué. C'était « on ferme la porte à ces militants, entre guillemets, des quartiers populaires ». Et puis c'est vrai que, bon, l'antiracisme un peu moraliste, un peu ceci, un peu cela, SOS Racisme était un peu promoteur de tout ça. C'est ce qui s'est créé après, derrière SOS Racisme, ça a créé des ruptures dans les grands quartiers populaires, de véritables ruptures. Touche pas mon pote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la truc qui a fait Jean-Paul Sartre pense faire jouer Rionique Noir. Touche pas mon pote. Quand tu rentrais à SOS, on a considéré que j'avais trahi le mouvement. Moi, je suis partie sur une déception. c'est qu'en fait, moi, j'avais pas d'association. Je voulais pas en créer pour toucher des subventions ou pour assurer un emploi. J'avais pas spécialement envie de faire ni du social ni du culturel. J'avais, comme ancienne militante syndicale, je savais que les immigrés avaient besoin d'une organisation politique et que sans organisation politique, on était voué à l'échec dans cette société. Qu'on pouvait pas se contenter comme ça dans nos quartiers, d'avoir, etc. Les limites du mouvement associatif, j'avais senti dès ce moment-là. Bon. Le succès du groupe de SOS, c'est quoi? C'est un groupe de 30 à 40 personnes qui sont sur des positions politiques claires et qui ont su faire des alliances et offrir opportunément à Mitterrand un surplus d'âmes. Le Parti Socialiste n'a pas de mouvement de jeunesse, donc il arrive. La question de l'antiracisme avant était un peu le monopole d'association et de la communauté juive. C'était ceux qui étaient quand même sur le ponton de l'antiracisme. À partir du moment où des jeunes arabes viennent et organisent une manif où ils mettent 100 000 personnes dans la rue, où ils tiennent de bout en bout la marche, où ils décident des slogans, où ils décident de leur organisation, et où ils mettent au pied les hommes politiques d'enfin prendre des décisions, c'est quelque chose qui est assez peu acceptable en fait des politiques et d'une partie de la société française. Mais en même temps, si cette question devient aussi essentielle dans la société française et s'il est capable de mobiliser la jeunesse, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas en compte ce supplément d'âme au moment où on ferme les usines, où on commence à parler d'austérité, où on commence à manier des milliers de licenciements? C'est le même qui habite chez toi. Il faut dire aussi que la situation politique change dans les années 83. La montée du Front National est très forte puisque le Front National remporte les élections à Dreux et ça va continuer puisque aux élections européennes de 84, le Front National va faire 11%. Donc on voit aussi dans la société française monter des inquiétudes contre l'émergence de ce mouvement. Donc il y a aussi des politiques qui prennent conscience, etc. Les choses vont aussi changer puisque le tournant de la rigueur va commencer et que la robotisation la mécanisation du travail manuel va entraîner une vague de licenciements sans précédent dans la région parisienne, dans la région lyonnaise, etc. Et que la gauche va accompagner ce mouvement, c'est-à-dire que la gauche fait son tournant de rigueur et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'elle va continuellement déconstruire les acquis sociaux, les uns après les autres, les libertés fondamentales, etc. D'autre part, dès les années 83-84, Mitterrand sent que la droite va gagner les élections. Et donc, à ce moment-là, il montre aussi un intérêt pour les jeunes issus de l'immigration. D'un seul coup, les élus se rendent compte que ces jeunes, ils peuvent voter. Évidemment, il y a aussi la mort de Malik Oussekine, du temps où Pasqua était ministre de l'Intérieur, par les motards voltigeurs qui l'assassinent rue Monsieur le Prince, qui l'achèvent en fait à coups de bâton. Quoi. Est-ce qu'on peut dire que SOS Racisme a été une machine électorale aussi pour Mitterrand? Alors, je pense que son élection de 88, ça l'a aidé à se représenter, à être élu. Mais de là à penser que le Parti Socialiste contrôlait SOS Racisme, je pense que les gens se trompent. Je n'ai jamais senti, mais peut-être que je me trompe, enfin je crois pas, moi, je suis restée quand même assez peu de temps, que le Parti Socialiste tenait SOS Racisme. Pourquoi est-ce que SOS Racisme a si bien fonctionné? Il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu d'abord un fort appui. Christian Delorme. De l'Élysée et de Matignon. Mais il y a eu aussi le fait que ceux qui se sont impliqués dans le lancement de ce racisme, étaient des gens qui avaient déjà une très longue histoire militante. Il y avait un certain nombre de gens qui venaient du trotskisme, du Parti communiste, qui étaient passés aux jeunesses socialistes, etc. Ils avaient une vraie formation militante. Les jeunes qui ont essayé de lancer les assises de l'immigration, ils n'étaient pour la plupart d'entre eux pas du tout dans ce cas de figure. Donc ça, à mon avis, ça explique beaucoup de choses. Et puis, il faut voir aussi que, sauf quand vous avez la trempe d'un héros, que vous êtes issu d'une famille de militants, vous avez une culture militante, Même quand vous êtes dans la galère, vous pouvez militer. Mais la plupart des gens, s'ils n'ont pas de quoi remplir leur assiette chaque jour, s'ils ont des soucis économiques qui leur prennent la tête, ben ils n'ont plus le temps de militer. C'est ce qui s'est passé aussi pour un certain nombre de jeunes. C'est-à-dire que vous aviez des jeunes qui avaient envie de militer, mais qui aussi se disaient « comment est-ce que je vais vivre ? Est-ce que je vais trouver du travail ? Est-ce qu'un jour je pourrais me marier ? Est-ce que j'aurai un appartement ?» etc. Donc c'était pas possible de durer. Après la marche, pour moi, il n'était pas question, après le 3 décembre, de retourner aux Minguettes. Donc, au contraire, je suis resté en région parisienne. Ça a été dur pour moi au début, parce qu'il fallait que je trouve un endroit où dormir et tout ça. Mais je me suis vite investi dans une association de quartier à Aubervilliers, qu'on appelait la NGI, Association de Nouvelle Génération Immigrée. Et ça m'a permis de faire un certain nombre d'activités en soutien scolaire, en organisation de séjours de classe verte pour des gamins d'Aubervilliers. Et parallèlement à ça, je continue un petit peu mes études de droit et Sciences Po à Paris 8. Je suis pas allé au bout, je suis resté qu'au niveau du DEUG, parce qu'il fallait vivre et travailler. Donc je travaillais comme animateur jeunesse pour la ville de Pantin. Ça s'est arrêté au bout de quelques années. Et puis je me suis retrouvé du jour au lendemain dans les métiers de la sécurité privée. J'ai été cadre pour certaines entreprises. Mais évidemment, j'avais toujours un petit peu ce côté militant, peut-être qui me bouche certaines promotions. Je disais toujours à mes grands directeurs que 90% des salariés de base des entreprises sécurité privée, dont moi je faisais partie, elles étaient tous d'origine noire ou maghrébine. Mais quand on arrivait au poste de direction, y en avait quasiment pas du tout. Donc ce genre de discours, ça plaît pas beaucoup. Et maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt dans les métiers de la médiation urbaine, parce que j'estime que c'est un nouveau métier, j'estime qu'il faut le professionnaliser, et on doit reconstruire, recréer du lien social et rééduquer aux règles de la vie commune pour tous. Quel est ton regard sur le parcours des autres militants depuis ? Les militants de la région parisienne, une grande majorité, ils s'en sont sortis. Hein. Je pense à Salika, qui a été enseignante, institutrice, qui est aujourd'hui en retraite. Youssef Boussa, qui a exercé en tant que psychiatre à l'hôpital de Créteil-Henri Mondor. Farid Aïchoun, qui est journaliste encore aujourd'hui au Nouvel Obs. Adil Jazouli, qui est sociologue, qui travaille toujours pour la CGET. Voilà, en région parisienne, il y a un certain nombre qui s'en sont sortis. Pour les autres militants, notamment si je parle des marcheurs, la quasi-totalité des marcheurs ont très mal fini. Donc pas de travail jusqu'à aujourd'hui pour certains. Certains sont tombés dans des démons, donc de la drogue, de l'alcoolisme. La grande majorité des marcheurs, ils sont beaucoup dans la difficulté. Et c'est dur. Et même pour moi, ça a toujours été un peu dur parce que j'ai exercé dans des métiers peut-être qui m'étaient pas destinés, mais c'était les seuls métiers qui s'offraient à moi. Et j'ai pu, malgré tout, tenir un petit peu la tête hors de l'eau, même si c'est toujours un peu difficile. Salia, vous nous avez retrouvé une affiche. Une affiche de l'association Nouvelle Génération Immigrée. Oui. Eh ben c'est l'affiche de notre premier festival de la jeunesse que l'on avait fait à Paris, donc à la Grange aux Belles. Ça s'est passé donc le 15 mai 83 et l'on y retrouve donc Carte de séjour qui n'était pas encore très, très connue, Amou. Donc j'ai parlé, qui faisait partie un petit peu de cet immense collectif culturel que l'on avait monté sur Barbès, les Rockin' Babouches, et il y en avait d'autres, mais qui étaient encore moins connus que ces trois-là. Est-ce que vous parlez de la marche avec vos enfants, et qu'est-ce qu'ils vous disent de ça ? Il faut qu'on soit clair, nous, nos enfants, ne se sentent pas réellement concernés par cette histoire. Ils disent qu'en fait c'est notre histoire à nous, comme eux vont faire la leur. Donc voilà. Et c'est vrai que, comme moi je disais, je suis tombée dedans petite parce que bon, mon père était militant et je n'ai fait que prendre une relève. Eux ne se sentent pas du tout dans ce milieu-là, ni quoi que ce soit. Et ils ont été clairs, ils m'ont dit carrément, t'en as fait pour plusieurs générations, alors tu nous laisses tranquilles. Parce qu'en fait, on les a emmenés partout avec nous. Ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que nous avions. Mais de temps en temps, dans certaines choses, je les vois agir. Et j'ai dit, ah ben, ils peuvent toujours dire, des chiens ne font pas des chats. Si je fais un bilan, il y a beaucoup de jeunes d'entre nous qui ont commencé un peu à rentrer dans des petits états-majors politiques, hein, socialistes, communistes et autres, mais ils n'ont jamais dépassé leur localité. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde, on a beaucoup de gens qui sont des conseillers municipaux, des maires adjoints, mais ils sont pas dans les centres décisionnels, même si... De plus en plus, on commence à voir quelques maires qui émergent, notamment, je pense à Monsieur Azine Talbi à Stain ou à Aubervilliers. Mais au regard de ce qu'est la société d'aujourd'hui, la société française d'aujourd'hui, c'est encore très peu. Qu'est-ce que la marche a finalement changé dans les quartiers ? Qu'a-t-elle apporté et comment les militants s'en sont sortis ? Nous décidons de nous rendre à son point de départ, à Marseille, dans les quartiers des Flamands et de la Busserine, en compagnie de Zoubida Meghini, fondatrice des associations Sheba et Assure. Là, ils vont le détruire, le bâtiment. Ici, ce sont des logements qui ont été complètement construits nouveaux. Ici, il y avait un bâtiment, là, vous voyez, on voit les traces. Et là, il y avait le centre social avant. Donc là, il y avait des grandes familles qui habitaient, donc historiques. Et sur la place par là, il y avait le terrain de proximité pour les jeunes. Voilà, donc là, c'est des bâtiments neufs tout le long. Sur la place qui jouxte le centre social des Flamands, il y a un petit square avec des étudiants qui prennent leur casse-croûte à côté de leur école d'infirmières, une maison de la solidarité. À côté, on observe un bâtiment des années 70, pas encore réhabilité, avec le linge qui sèche sur les balcons. À côté, un ensemble plus neuf, avec des volets en bois, des couleurs, du ocre, du bleu, du rouge, plutôt résidentiel. Certaines tours sont désertées, en attente de destruction ou de rénovation. D'autres sont fraîchement réhabilitées et habitées. Et puis en face, des petits pavillons provençaux. Et entre les tours, au fond, on aperçoit enfin la mer. Vous êtes originaire de la Busserine, ouais. Zoubida. Ouais. À quoi il ressemble ce quartier de la Busserine ? La Busserine, donc, c'est le quartier avec fond vert, le quartier le plus ancien avec Picon fond vert, parce que c'est le bailleur Logirem. C'est les premiers quartiers du Grand Saint-Barth qui a été construit. Hein, il n'y avait pas la Benosse, ni le Maille, ni les Flamands. Les anciens grandes familles qui sont venues soit par le 1% patronal, soit par la résorption des bidonvilles, sont venues habiter là. Donc il y a été réputé, sur Picon, les grosses familles, plus de 10 enfants. Donc voilà. Alors les acteurs sociaux, ils étaient très impliqués là-bas. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. C'est vrai qu'on était les premiers animateurs. Il y avait une maison de jeunes. Donc tous les mouvements associatifs, militants, quand on dit c'est le fief des assos, c'est là-bas. Voilà, nous, on a été animateurs dans ces quartiers hein, pendant longtemps, animateurs de centre aéré, animateurs soutien scolaire. C'était communiste, donc les communistes, éducation populaire. Donc on a beaucoup œuvré pour améliorer les conditions de vie de quartier. On a vu ces quartiers se construire. Bon, ça reste toujours un quartier de résorption, d'émigration du centre-ville. Bon, en fait, ça bouge toujours, les habitants. Les gens, ils partent, ils restent pas longtemps là. Après, une population vieillissante de femmes, parce qu'elles sont veuves, parce que les autres, c'est des ouvriers, donc les maris meurent plus jeunes. Donc il y a beaucoup de femmes seules, des seniors, etc. Voilà. Après, le lien social, il y a un gros travail de lien social à faire. Après, c'est vrai que la drogue a pris un gros dessus. Les gens, ils ont beaucoup peur. Ils ont peur de ça. Il y a des choses qui vont pas. Cette tour, cet été-là, à l'intérieur, il y a des jeunes poignardés quand même. Donc les gens qui habitent là, ils ont peur. Il y a quelques encore militants qui reviennent, qui donnent un coup de main. Ils ne sont pas nombreux, quoi. les grands militants associatifs, les derniers partent à la retraite là. Les familles disent c'est nécessaire, on ne veut pas que ces assos ferment, etc. C'est important pour nous. Mais il n'y a pas les moyens en face. C'est difficile de tenir. Voilà. Moi, je suis très... Je trouve pas que ça change, voilà. Ouais, le temps passe et c'est cool, mais rien ne change vraiment ici. Les jours se ressemblent et s'enchaînent, mais de moins en moins gaiement aussi. Les problèmes se compliquent, certaines cherchent à tuer le temps, d'autres en sont esclaves pour de l'argent, dont cherche à s'entretuer dans. Tout le monde court dans tous les sens, mais au fond on tourne tous en rond, tous embourbés dans notre engin. Mes condoléances, vu qu'on la zappe, du moins on a limite à ce qu'on nous impose, car elle est grande, mais on la subit. Au lieu de la vivre, en fin de compte, on implose le temps. Mais la pression, car il passe vite en nous laissant souvent de côté à en perdre la raison. Beaucoup jettent dans les interdits pour sentir vivre un peu d'adrénaline et hop, notre flamme anéantie vibre. On grandit vite et vite à cran, on craque. Ça devient vite à contraindre, pris dans le carton, on craque. La chance, plus rien n'est tranquille, une vie bancale. Mais ça devient dur de détourner le vide, à retourner en rond et pour garder l'équilibre, retourner vite. Les années passent, le temps s'écoule, souffle sur nos vies. Alors je m'assois là, c'est ça? Oui. Au Centre social des Flamands, dans une salle de lecture flambant neuve et remplie de contes pour enfants, Zoubida Meghini se souvient encore de sa marche. Après la marche, qu'est-ce que vous décidez de faire? Alors, nous, on avait notre association d'animateurs. On avait beaucoup de moyens, donc on faisait des cinémas de plein air, on faisait les camps, les colos, on avait vraiment... Il y avait aussi des opérations, on appelle Ville Vie Vacances aujourd'hui, mais les premières expérimentations, c'était de faire les opérations prévention d'été, anti-été chaud, où ils prenaient tous les gamins, ils sont partis à... Je me rappelle, les gamins de Lyon, de Paris, de Marseille, ils étaient dans les campagnes, à la montagne, et... Donc, pour occuper les jeunes, en fait. Et à partir de là, toutes les choses ont commencé à se mettre en place. Donc, c'est vrai qu'il y avait vraiment des volontés de faire que les choses changent. On était en pleine effervescence, création de pas mal de choses. Donc, on faisait les premiers soutiens scolaires, les premiers accueils le soir, les premières opérations de prévention toxicomanie. À l'époque, les jeunes, ils fumaient la colle, hein, et ils fumaient la cire, etc. Après, ça a commencé, les jeunes, à devenir toxico, la drogue dure. Après, est né le sida en 86. Voilà. Après, on a monté des assos de femmes, on a monté des assos culturels. Donc, on était, en fait, on était un bon groupe. Et on a, grâce à notre association, la SUR, en fait, c'était comme un syndicat. Donc, on siégeait dans beaucoup de centres sociaux. On revendiquait des choses, disant, c'est pas possible, faut changer vos méthodologies de travail avec les jeunes, les ados. On était force de proposition. Voilà. Mais après, on s'est vite rendu compte que on n'arrivait pas à faire sortir les jeunes des quartiers. Ou alors, ceux qui étaient formés, diplômés, ils n'arrivaient pas, mais que ce soit dans le social ou institutionnel, n'arrivaient pas à obtenir des postes, dans les institutions. Je parle pas pour moi, mais de façon globale. Par contre, pour nous utiliser, oui. Mais pour travailler avec nous ou être à l'égal d'eux, non. Voilà. Alors cette période, beaucoup se sont découragés. Beaucoup se sont découragés, c'est qui en particulier? Les animateurs, les militants des quartiers. Voilà. Nous, on avait essayé de rencontrer, je me rappelle très bien, une trentaine de jeunes. On est allé rencontrer le Parti Socialiste et ils nous avaient dit « Non, mais vous n'avez pas de problème, vous ». Ils n'écoutaient pas vraiment, il fallait toujours taper pour dire « Mais il ne faut pas intervenir ». Et on se rend compte qu'il y a eu du retard, quoi. Les années passent, le temps s'écoule, souffle sur nos vies. Nos jours sont comme des clones, pourtant chaque jour une nouvelle page qui se tourne. Un bout d'avenir qui s'écoule, à marcher au pas on déconne. Les années passent, le temps s'écoule, souffle sur ouais. nos vies. Bonjour. À la gare Saint-Charles, les chauffeurs de taxi en rigolent encore. Vous voulez aller à Bassens, mais vous êtes complètement fada. C'est pour acheter de la drogue. Apparemment, jamais personne ne met les pieds dans la cité. C'est dans un local à peine plus grand qu'une cabane de jardin que nous rencontrons Saïd Bouknouche. Assis entre des stocks de lait et quelques ordinateurs où les jeunes enfants regardent Internet en buvant une canette, cet enseignant nous parle de ce centre social qu'il a contribué à créer et de ce qu'il en reste aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, la photo? Quand je joue au foot. Il est là. Il est là, vous le voyez là? Toi, t'es où? Voilà, à côté celui qui a pas mal de cheveux, celui-là. Voilà. Et toi, t'es là? Ah, il est plus vieux. Non, il était plus jeune que moi. Oh, je crois pas. Il est Achille. C'est un vieux, c'est un vétéran. Donc ça, c'est les photos de l'équipe de foot. Des années de monsieur. De quelle année? Oh, je suppose que 74, 75. Voilà, c'est les années 70, on va dire, en général. Et c'est l'équipe de foot de... De Bassens. C'était pas la Fédération Française de Foot, c'est quoi, c'était... FCGT. FCGT, là. Vous avez grandi dans ce quartier? Oui, vers l'âge de 9-10 ans, j'habitais ici jusqu'à l'âge de 17-18. Quand j'étais petit, j'habitais dans bidonville, qui sont dans le 14e. Et quand il y a eu la résorption des bidonvilles, on a été envoyé ici, dans une cité de transit. Donc à l'époque, dans la cité, en gros, ceux qui habitaient ici, c'était des Arabes, des Noirs et des Gitans. Donc je suppose que vous connaissez un peu l'histoire. Les transits, ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc quand je suis arrivé ici, c'était normalement en transit, on est resté très très longtemps. Vous avez connu la marche pour l'égalité de 1983? Bon, non seulement je l'ai connu, mais j'étais un des organisateurs au niveau local ici. Donc, à Marseille, la réunion qui a eu lieu ici pour préparer la marche, donc, j'y étais avec Delorme, avec un certain nombre d'associations ici, la CIMAD, etc. Bon, en fait, la plupart d'entre nous, avant la marche déjà, on avait des activités militantes, donc en fait, on a continué. C'est sûr que la marche a donné une certaine ampleur nouvelle, mais sinon, pour nous, c'était un peu la continuité, quoi. Il n'y a pas vraiment de rupture importante, quoi. Et vous avez aussi, à Bassens, participé aussi à des activités associatives ici, d'éducation populaire? Oui, en fait, quand j'étais adolescent, il y avait ici le centre social qui a commencé à se créer. Et donc moi, j'étais, entre guillemets, l'intello, celui qui avait commencé à faire des études, le lycée, etc. Et donc je participais aux animations pour les enfants, pour les bibliothèques, l'aide au travail scolaire, etc. Et en même temps, il y avait un mouvement important, enfin, une action très importante, c'était la question du logement pour le quartier, puisque bon, comme c'était une cité de transit, les habitants, évidemment, on essayait de faire en sorte qu'il y ait un changement. Et donc, moi, j'étais jeune, et il y avait un comité de locataires. Le comité de locataires, souvent, c'était des adultes qui étaient analphabètes, etc. Et j'étais un peu un de ceux qui jouaient intermédiaire avec les pouvoirs publics. C'était quoi l'ambiance au sein de ce centre social? Qui venait? C'était quoi les activités des gens? Il y avait un peu pour tout le monde. Donc, évidemment, l'essentiel, c'est pour les enfants. C'était donc les activités le soir pour les deux devoirs et pour les vacances, pour les sorties, etc. Mais il y avait aussi des choses spécialement pour les femmes, les mères de famille. Et il y avait aussi des activités pour les vieux. Donc il y avait beaucoup de choses qui se passait donc c'était très vivant. Par exemple, quand il y avait des problèmes de logement, c'est le centre social qui était le lieu où s'organisaient les mobilisations, les manifestations, etc., pour aller demander qu'on change la situation au niveau de l'habitat, etc. Donc c'est quand il y avait des problèmes de papier aussi, ça se passait ici. Donc c'est un lieu qui n'était pas juste un lieu où on venait consommer quelque chose, mais qui était un lieu qui appartenait un peu aux habitants. D'ailleurs, les gens qui travaillaient là étaient fatigués parce que ça arrivait du monde tout le temps, et donc c'était la ruche, quoi. Bon, et comme les habitants souvent étaient dans des situations difficiles, c'était un lieu de contestation, clairement. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre centre social aujourd'hui? En fait, au moment de la rénovation, il y avait l'immeuble où était le centre social devait être démoli, et comme les pouvoirs publics voulaient faire un peu des économies, en fait, ils ont trouvé une idée géniale, c'est-à-dire de faire un centre social qui serait à la fois ici, donc cette cité de transit, avec une cité de l'autre côté, entre guillemets cité, qu'on appelle les castors, c'est-à-dire des maisons individuelles. Et donc, leur idée géniale, c'était que ceux qui habitent ici dans cette transit vont pour les activités dans le lotissement qui est à côté. Bon, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, tout le monde se souvient que dans la réunion, un représentant du préfet était venu en disant « Bon, on va vous mettre ensemble, etc. » Je l'avais dit au responsable, je lui ai dit « Si vous êtes capable de faire ça, je vous embauche. Moi, en tant que président, je vous embauche et je vous donne un salaire double parce que vous allez gérer deux lieux, etc. » Évidemment, ça tenait pas debout. Donc, il y a eu la rénovation, il y a le centre social Il n'y a pas eu de consensus pour que ça rouvre, puisque en gros les financeurs voulaient que ce soit pas dans la cité, mais en dehors. Depuis des années, on dit qu'il y a des problèmes dans les quartiers, etc. Et on dit qu'on va les régler. Non seulement ils ne sont pas réglés, mais faire en sorte que les gens qui peuvent vraiment continuer à parler, etc., ne soient plus là, je pense que c'est-à-dire que non seulement on ne fait pas en sorte que les choses changent, mais aussi on essaie de d'étouffer les choses, quoi. Ce qui remplace ces centres sociaux, c'est des centres un peu plus, enfin, municipaux, on va dire, un peu avec des fonctionnaires. Pourquoi c'est une différence si importante? Qu'est-ce que ça change? Si c'est pour les enfants, si c'est pour les sorties, etc., c'est la même chose. Mais s'ils ont un problème de logement, ils vont pas aller les gens, venez avec nous voir l'organisme de logement pour l'embêter, pour lui casser les pieds, pour lui faire des courriers, etc., etc. Donc, ils jouent pas ce rôle du tout. On a quand même inventé des choses, des outils pour qu'il y ait des lieux d'expression, je dirais, plus citoyenne. Mais il a fallu le faire nous-mêmes et demander des subventions. Moi, ce que j'ai inventé, c'est par exemple, je disais, il faut un lieu de proximité. Zoubida Megheni. Dans les bâtiments. Voilà, les pieds de bâtiment. Donc on a été la première association, on a lancé ça et tout le monde l'a refait. Nous, on a fait l'effort de se former. Moi, j'ai fait quand même une formation de 2 ans. Sur le mouvement d'éducation populaire, donc j'ai tous les premiers mouvements, les droits de l'homme par exemple. Donc pour nous c'était important, les veillées, les formations, etc. C'était des animateurs de haut niveau. Nous on n'imaginait pas un animateur, même BAFA, ne pas savoir parler français aux enfants, parce qu'il y a un volet éducation qui est très important, éducation populaire bien sûr. Parce que les gens se qualifiaient, ils avaient des diplômes. Et c'était des véritables projets de quartier, de développement, voilà. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on nous pressait comme des citrons, mais que ça restait à ce niveau-là. Et quand on voulait placer des collègues ailleurs ou quoi, dans des bons boulots, ça avançait pas. C'est pareil, les subventions, c'était une bagarre. Et à chaque fois, la politique de la ville inventait des dispositifs. Alors au départ, c'était des interventions dans l'école, on faisait ça aussi. Après, non, c'est pas possible. C'est des interventions en dehors du temps scolaire. Après, bon, ça fait que les associations entières, des actions entières qui mouraient, et les gens baissaient les bras, ils croyaient plus. Voilà. Donc ça a fait beaucoup dans les quartiers que les gens sont partis. Les associations de jeunes qui faisaient des choses sont découragées aussi. Après, il y a eu tout un mouvement d'assaut pour se créer leur poste. Ce n'était pas de l'éducation populaire. C'est là où ça n'allait pas du tout. C'était quoi? Des petits assauts comme ça qui pullulaient à droite à gauche parce qu'ils créaient leur poste. Ils n'étaient pas formés. Les gens consommaient. C'est de la consommation. Il n'y a pas de développement. C'est je viens, je vous apprends. Des fois, il y a un effet d'entraînement. Dans le monde artistique, c'est un peu possible. Dans d'autres mondes, c'est difficile. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'arrivait pas à décoller. On nous laissait toujours en bas. Ici à Marseille, c'est plafonné, le plafond de verre. On a du mal. À Lyon-Paris, il y a quand même une possibilité d'évoluer. Mais à Marseille, le plafond de verre, il est encore plus épais et plus difficile à casser que dans les autres régions. Et nous, l'association, à cette époque, on nous a demandé, on vous enlève les subventions et on vous met des contrats aidés. C'était les CES. On a refusé. On a dit, on n'est pas des sous-hommes ou des sous-femmes. On était vraiment des militants. On dit, ou on a des subventions ou rien. On a rendu, ils n'ont pas voulu. Ils ont mis en place les chefs de projet à cette époque en 91. On a rendu les clés en 92 avec de l'argent à l'intérieur. Alors, il y avait au moins 90 000 francs à l'époque. C'était la formation et un peu d'argent. On a tout rendu. Parce que les contrats aidés, c'est vrai, ça aide les gens pour s'insérer à des moments difficiles de leur vie, mais c'est précaire. Donc, nous, on croyait qu'on serait reconnus comme les autres travers sociaux. Vous vous débrouillez tout seul à Bassens, sans moyen? Vous voyez le local qui est là. Saïd Bouknouch. Il n'y a pas d'image, c'est pas la télévision, mais quand on voit le local, on se dit que c'est vrai qu'au niveau des moyens, c'est un peu léger, quoi. Et les personnes qui s'occupent de ce club-là s'en occupent depuis très longtemps. C'est vrai que se retrouver dans ce genre de local comme ça, après des années d'efforts, c'est quand même fou, quoi. Comment vous voyez l'avenir de votre côté? Bon, je vois que l'avenir est compliqué. dans la situation politique, etc. C'est vrai que quelque chose de très important qui a changé, c'est le rapport à la gauche est devenu très compliqué. C'est-à-dire de plus en plus, on voit des gens qui, avant, étaient des militants avec qui on pouvait débattre, travailler, etc., commencent à rentrer dans des histoires qui ont foutu un peu la merde depuis des années, ces histoires de communautarisme. Est-ce qu'il y a du communautarisme, l'islam, etc. Et donc, il y a plein de gens, d'associations qui sont fourvoyées dans ce genre de débats et qui font que les actions, beaucoup de balles se faire de manière unitaire. Donc, il y a de plus en plus de divisions qui existent. Et je pense que ça, c'est vraiment un problème actuel et pour l'avenir. Ces problèmes, c'est une réalité à Marseille, les problèmes que vous évoquez? Oui, bien sûr, ça existe à Marseille. Bon, le MRAP, alors que pendant des décennies, le MRAP, donc moi je travaille avec eux, on luttait avec eux, etc. Maintenant, ils sont obnubilés par cette histoire d'islam, etc. Quoi. C'est une folie. Moi, j'ai été salarié de l'animation jeune de Fonds Vert jusqu'au Flamand. J'ai été salarié pendant 3 ans. Et après, ils ont dit non, mais elle est trop du quartier, elle est trop dedans. Ça a dérangé. Il fallait être extérieur pour travailler dans le quartier. Voilà, c'était un combat, en fait. C'est une vraie lutte, ça. Après ça, je me suis dit, je me formerai encore plus et je vais essayer d'être à l'écoute et être au service des habitants, mais de l'autre côté pour aider. Et moi, je vais être au-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai trouvé un poste et j'ai travaillé ailleurs. Et par contre, ils sont restés cons parce que j'étais au-dessus d'eux. C'est-à-dire, du coup, je chapeautais tout un territoire. Et j'ai eu des problèmes, moi. Parce que quand j'ai postulé à la ville, mais son cousin, qui est dans tel quartier plein d'Ao, là, il est délinquant, on ne le prend pas, il n'y a pas de confiance, ils vont tout répéter. Parce qu'il y avait tous les liens entre la police, la justice, tout ce travail transversal. Ça fait peur. Et finalement, vous êtes rentré en administration pour pouvoir avoir davantage d'influence sur le cours des choses. Et j'ai passé je me suis formée, j'y vais aller plus loin, DESS, développement local et économique, en milieu urbain. Donc j'ai fait cette formation, ce diplôme, pour être encore plus intouchable. Nous poursuivons nos rencontres, toujours à Marseille, avec les anciens marcheurs comme Anifa Tagelmint, vice-présidente de Mémoire en Marche. Je suis chef de projet innovation sociale et je travaille plus particulièrement sur les questions d'éducation et d'insertion. L'année de ma terminale, j'ai eu de graves problèmes familiaux, donc j'ai dû arrêter mes études que j'ai reprises à l'âge de 40 ans. Donc entre-temps j'ai bossé, j'ai appris par moi-même. On peut être un très bon autodidacte et faire une belle carrière. Et à 40 ans je suis allée faire l'IAE à Aix-en-Provence. Et vous étiez originaire de quel quartier ? Busserine, dans le 14e arrondissement de Marseille. Dans les années 80, la Busserine était comme tous les grands ensembles. C'était des patrimoines qui étaient entretenus. On n'avait pas les problèmes de deal que nous connaissons aujourd'hui. C'était des familles, surtout, c'était des familles mixtes. Il y avait la famille Giacalone, la famille Calenda, la famille Innocenti, la famille Harold. Ça, c'est rien que mon bloc à moi. Donc, on était très, très mélangés. On allait dans les mêmes collèges, les mêmes lycées. Moi, j'en ai des bons souvenirs. En dehors de cette nuit malheureuse où on nous a sonné à la porte pour nous annoncer que mon frère venait d'être tué en bas d'une tour. Il était avec ses copains et puis Michel Lebrun, donc pour le nommer, a tiré de son balcon. Il avait l'habitude de tirer et là il a visé et il a eu. Et donc tout s'arrête, quoi, tout s'effondre et il faut tout reconstruire après. Il est mort à 20 mètres de là où est mort Lawari Ben Mohamed. C'est quasiment la même rue, quoi. On entendait parler des problèmes qu'il y avait sur les minguettes, on entendait parler de crimes racistes, mais ça s'était encore jamais produit là, devant chez nous, en bas de chez nous. Et Lawari était mon petit frère aussi, et là, il y a une prise de conscience cruelle, puisque ça se fait souvent, malheureusement, dans la douleur. Et donc, j'avais participé avec Zoubida, avec Saïd, avec Yamina et bien d'autres, à la mobilisation qu'il y a eu pour Lawari. Ensuite, il y a eu mon frère, et ensuite, avant ça, il y en a eu des dizaines, après quand on s'y intéresse. Après ça, des centaines. Voilà. C'est quoi les problèmes de votre quartier aujourd'hui ? Alors moi, je n'habite plus dans ce quartier, vous imaginez bien que je l'ai quitté, Dieu merci. L'ascenseur social est en panne, mais on a appris à monter les escaliers 4x4. Donc je n'y habite plus, par contre j'ai encore des amis, j'ai encore des relations, j'y vais souvent. Mon père y habite encore. Les choses positives dans les quartiers sont, et ça reste encore, la solidarité. Ça c'est quelque chose d'important, les valeurs familiales, qui malheureusement se délitent, mais ça tient encore de ce côté-là. Les choses négatives, bon, on les connaît, c'est le chômage, c'est le deal, c'est la malbouffe, c'est les écoles qui sont le dernier service public existant dans les quartiers, c'est des bailleurs sociaux qui se battent comme ils peuvent pour gérer un patrimoine qui aurait dû normalement être détruit parce que il est plus vieux que moi le patrimoine en question. C'est des travailleurs sociaux qui sont épuisés, à qui on ne donne pas de moyens. Les contrats aidés ne sont même plus là pour venir un petit peu alléger ceux qui portent à bout de bras cette misère au quotidien. Hein. C'est ça les quartiers aujourd'hui. C'est pas gay, hein. C'est pas gay du tout. Aujourd'hui, c'est un problème de volonté politique pour ces quartiers, très très très clairement. Et c'est aussi un problème de moyens financiers. On dit que ça coûte ces quartiers. Ouais, quand on vote 100 millions à Paris, il en arrive 10 dans les quartiers, vu le nombre de gens qui se sont servis, et les bureaux d'études, et les maîtrises d'ouvrage, et les consultants, et les experts, et les observatoires. Et au final, il n'arrive pas grand-chose. Donc aujourd'hui, il y a un problème de fléchage des budgets qui vont réellement arriver jusqu'à la population. Pour les écoles, pour les centres sociaux, c'est pour tout pareil. Ça, c'est un vrai problème dont personne ne veut parler. Qui apporte des solutions ? C'est le politique. On a une génération d'élus qui n'est pas à la hauteur des enjeux de cette ville. Il n'y en a pas un d'entre eux qui habite dans les quartiers difficiles. Ils ont pris la photo avec une femme voilée, ils mettent ça sur Facebook, ils sont heureux, quoi. Ils ont fait leur taf. Ils se rendent pas compte que la femme voilée, elle accompagne son gamin à l'école, que qu'en classe, il y a des problèmes, qu'il n'y a pas assez de maîtresses, que la femme voilée, elle accompagne son gamin à la piscine et que la piscine est fermée, ou alors l'eau n'est pas chaude. Des vrais problèmes qui ont normalement des solutions. Quand vous êtes pauvre, ah bah oui, moi je comprends que vous allez voir votre député quand il est là un jour par semaine ou une demi-journée à sa permanence pour aller demander un appartement. Moi, je le comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est quand un jeune va demander un emploi à un élu et que l'élu lui répond « Monte une petite asso, je vais te donner 5000 euros de subvention. » Plutôt que de dire au jeune « Donne-moi ton CV, on va le retravailler, je vais peut-être faire une réunion parce que t'es pas le seul à être venu me voir, vous êtes une quinzaine, on va peut-être essayer de faire une action collective. » Non, on lui répond « Tu montes une asso, je vais essayer de te trouver un peu de subvention. » Quelles sont les conséquences, d'après vous, de ça ? Bah, les conséquences, elles sont énormes. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens à qui on a fait des promesses, parce qu'ils sont rentables en termes de voix, qui ont pris le pouvoir dans les quartiers. On a une génération de jeunes qui sont habitués à aller voir l'élu au moindre problème. Et en échange, au moment des élections, ils sont là. C'est catastrophique d'avoir créé comme ça une génération qui tend la main aux élus. Est-ce que vous avez participé à la marche pour l'égalité de 1983 ? Participer, oui, mais je ne suis pas une marcheuse, ce qu'on appelle une marcheuse. Parce que pendant que les marcheurs marchaient, il fallait qu'il y ait beaucoup de monde dans les villes qui s'occupent de tout ce qu'on appelait la logistique, c'est-à-dire trouver des sous pour faire monter le maximum de monde à Paris. Est-ce que vous diriez qu'elle a porté ses fruits, cette marche, à l'échelle de votre quartier ? Bah, elle n'était pas faite à l'échelle du quartier, la marche. Elle était faite à l'échelle de la patrie, de la nation, puisque ce qu'on demandait, c'était justement qu'on nous inscrive dans le roman de la nation. Est-ce qu'elle a porté ses fruits ? Non, très honnêtement, non. Elle a rendu visible quelque chose, un problème qui était là. Puis après, il y a eu tout autour du marketing, de la communication, de la stratégie pour l'étouffer. Ne serait-ce que son nom, la marche des beurs, porter ses fruits, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas les problèmes que l'on connaît aujourd'hui. J'ai mal, et j'en ai marre d'écrire des textes tristes, mes cahiers sont remplis, je me demande vraiment si le répit existe. Bien sûr que j'aimerais donner de la joie, j'aimerais donner, j'avoue, autre chose que de la tristesse ou de la colère, mais pas le choix. Mon angle se déverse et mes vers se drame dans mes larmes, j'écris parce que j'ai pas appris à parler, Merci à Jamel Attala, Christian Delorme, Sadika Amara, Youssef Boussara, Kaïssa Titous, Zoubida Meghini, Saïd Bouknouch et Anifa Tagelman. Archivina, Gwen Michel. Prise de son, Benjamin Chauvin, Yann Frécy. Mixage, Guillaume Ledieu. Un documentaire de Sébastien Descaraides et Véronique Samouinoff. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez mieux connaître Marseille, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster à Bassins ou nous réécouter au local associatif, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs et qui vient même d'inaugurer une plage réservée aux documentaires audio. Demain, dernier épisode, la troisième génération ou le rêve américain.